Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'éducation sexuelle des enfants d'Internet, une série d'Ovidie réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a une ancienne actrice et réalisatrice de films pornographiques devenue documentariste, qui s'interroge sur le manque d'éducation des ados exposés toujours plus tôt, à travers le net et les réseaux, aux images pornographiques. Alors pour commencer, les personnages. Des collégiens qui ricanent, un lycéen qui se souvient, des infirmières et assistantes sociales dévouées, des intervenantes qui savent y faire et une chercheuse qui scrute les comptes. Ensuite, le décor. Des vidéos, des jeux, des animations, la pénétration, des classes sociales, des films porno, les bons côtés d'Internet et toujours ce bon vieux patriarcat. Aujourd'hui, 3e épisode. Prêt ? On débarque en atelier. C'est parti ! Bonjour ! Alors, on est très, très, très, très, très heureux de vous accueillir comme chaque semaine à l'émission Jeune et sans complexe. Alors, comme vous le savez, Jeune et sans complexe est une émission pour les jeunes. Animée par une vieille. Voilà, bonjour Lola. Ah, bonjour Hélène. Alors, aujourd'hui, un thème brûlant. Collège Jules Michelet, Angoulême. La canicule. Non, c'est pas ça le sujet. Atelier d'éducation sexuelle avec les classes de 4e. C'est la première fois qu'on fait l'amour. Ah, c'est trop bien. Réinventer l'éducation sexuelle. Alors évidemment, c'est un sujet. Par Ovidie et Nathalie Battus. Ça va plaire aux jeunes parce que évidemment, comme ils vont tous le faire un jour. Bah ça dépend. Bah moi j'ai une cousine par exemple, elle est asexuelle. Ça veut dire en fait. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui sait ce que ça veut dire? Ouais, vas-y. Elle a pas trop envie. Elle a pas de désir en fait, tout simplement. Bah elle est ok avec ça, elle est pas du tout triste. Et ça concerne quand même 1% de la population. Mais on va quand même s'occuper des 99% qui restent, qui certainement eux vont faire l'amour une première fois à un moment donné. N'est-ce pas? Alors, bon, la première fois, vos parents vous l'ont très certainement déjà dit, mais c'est très, très, très important parce que vraiment, on s'en souvient toute la vie, toute la vie, toute la vie. Alors, bon, évidemment, ce qui est important, c'est de bien choisir son partenaire. Évidemment, l'idéal, c'est d'être vraiment avec quelqu'un qu'on aime fort, vous voyez, quelqu'un avec qui on ouais, est amoureux. Pas forcément, hein, Hélène. Comment ça, pas forcément Non, mais pardon, hein, mais ça fout quand même un gros stress d'être amoureuse ou amoureux. Ah bon, c'est... Oui, alors d'accord, mais enfin quand même, quand on fait l'amour, surtout pour la première fois, non, c'est quand Hélène, même important. Peut-être pour vous, et je respecte, hein, franchement. Mais moi, par exemple, pour ma première fois, on peut pas vraiment dire que j'étais amoureuse, et pourtant ça s'est bien passé, hein. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Faut être amoureux ou amoureuse pour sa première fois? Pardon, alors on va donner la parole. Oui, alors on vous écoute? On est assez jeune, du coup on sait pas trop ce que c'est l'amour. Ah, alors ça, c'est une chose intéressante. Hein. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est l'amour? Mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Que ceux qui pensent qu'il faut être amoureux pour faire l'amour la première fois se lèvent, s'il vous plaît. Moi, je m'assois parce que... Lycée de l'image et du son, Angoulême. Je me souviens que c'était... Justin Ferrand. C'était pas une parole libre du tout, c'était très théorique, dans le sens qu'on nous apprend vite fait... Le système génital masculin et féminin. On nous dit, ok, il faut se protéger. Regardez, ça c'est une capote. Et mon prof d'SVT, une vidéo où c'était un super-héros qui s'appelait Protect Man. et qui donnait des capotes à plein de gens dans des situations complètement débiles. C'était n'importe quoi, il y avait... C'était un peu aussi pour la prévention, pour le sida, tout ça. Et il y avait, par exemple, un homme qui était en train de se piquer et à qui il donnait une nouvelle seringue. Toute propre. Pour lui dire, tiens, tu n'attraperas pas le sida comme ça. Et voilà, et ça m'a marqué parce que j'ai trouvé ça complètement absurde et c'est tellement peu. Je pense qu'on a tous eu en 4e les bons vieux cours d'SVT qu'on a revus en seconde après. Où c'est Camille. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais jamais on va parler du clitoris. Jamais. Je l'ai découvert grâce aux réseaux sociaux quand même. Et on n'en en parle pas. Et mes parents non plus m'en ont pas parlé, mais heureusement qu'il y a une campagne pour que on le mette dans les manuels d'SVT pour la quatrième. J'ai plus le nom du mouvement, mais parce que moi, je le savais pas en quatrième. Mais je pense que c'est important déjà qu'on nous en parle de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dans notre corps en fait. Si on n'est même pas au courant, ben c'est débile très clairement. Mmh. C'est vrai qu'elle a raison. Nous, on a plus, on reçoit plus une éducation théorique en fait en cours que pratique en quelque sorte. Enfin, que bah, du plaisir, tout ça, on en parle. Bah, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je veux dire, genre, en théorie, on parle pas du plaisir et de tout ça, quoi. C'est juste comment ça marche. Est-ce que vous pensez que tout le monde a peur de faire l'amour la première fois ? Je répète la question. Est-ce que vous pensez que tout le monde a peur de faire l'amour la première fois ? Réponse numéro 1. Non, c'est hyper facile, surtout quand on a vu des films. Réponse numéro 2. Les filles, oui. Les garçons, non. Réponse numéro 3. Oui, tout le monde a peur, surtout ceux qui friment. Vous êtes prêts ? Jingle ! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. En 2018, je me suis lancée dans le développement d'une action de prévention contre l'exposition précoce aux images pornographiques. Nous sommes partis du constat suivant. Les discours de prévention verticaux ne fonctionnent pas. Le seul moyen de toucher les ados, c'est de les impliquer. Alors avec l'équipe du collège Jules Michelet d'Angoulême, on a décidé de faire intervenir une compagnie de théâtre forum. Montez vos petits gâteaux ! Émission, je vais me faire virer moi si ça continue. Alors d'abord la première chose que vous nous dites, c'est intéressant, c'est que les garçons ils stressent plus que les filles, vous pensez? Ouais, parce que j'en ai, non mais il y a pas des garçons genre. On le laisse expliquer hein. Genre qui me racontait, ben genre ils m'ont dit ouais au début tu dis ouais ça leur ressemble et tout, mais quand t'es devant ben tu stresses de fou. Il y en a même des fois genre ils perdent leurs moyens et du coup ben ils débandent et ils veulent plus le faire. D'accord. Voilà. C'est vraiment. Ouais, je vous crois sur parole. Vous avez quelque chose à ajouter dans cette équipe? Oui, moi, contrairement à lui, je pense que ce soit fille ou garçon, il y aura forcément un stress au moment de l'acte. Et tout le monde, je pense. Tout le monde. Et alors, est-ce que vous pensez que c'est tout le monde, virgule, ceux qui friment aussi? Surtout oui. Ceux qui friment. Oui, oui, tout le monde. Hein, le côté plus on en parle, et en fait, peut-être plus on en parle. Ils ont peur, ils ont du courage, mais en fait, c'est moins chouette qu'ils aient. C'est pas une question de courage, non, juste une question. Est-ce que intervenir comme ça, c'est déjà trop tard en quatrième? Je pense pas que ce soit trop tard. Vraiment, je pense pas que ce soit trop tard. Mais quand même, quand je vois leur niveau d'information et la façon dont déjà ils en parlent et dont c'est présent dans leur vie, j'ai quand même le sentiment qu'il faudrait commencer encore plus tôt. Capucine et Tatiana, compagnie Asiaté. Oui, c'est pas que c'est trop tard au sens où il n'y a plus rien à faire et puis ça sert à rien. Mais en fait, je pense qu'à différents stades de développement d'un enfant et d'un jeune, on peut intervenir sur ce sujet-là avec des thématiques qui vont les toucher, qui vont leur parler et qui vont être adaptées à leur âge. Mais commencer à peine en quatrième, c'est-à-dire à 13 ans, à un moment où en plus de nos jours, les jeunes, ils ont accès à Internet, les smartphones, etc., etc. Donc, en fait, où des informations peuvent être recherchées et peut-être mal digérées, ouais, je pense qu'il y a un moment où on peut se dire que pour commencer, c'est un peu tard. Par contre, c'est pas trop tard pour essayer d'initier quelque chose. En fait, dès qu'un enfant entre dans l'éducation nationale, je crois que, par exemple, la question du consentement, moi, j'avais pu l'expérimenter dans des classes de maternelle en donnant des cours de théâtre. Juste la question de est-ce qu'on peut ou pas câliner quelqu'un? Oui, si on lui pose la question et que cette personne dit oui, c'est pas particulièrement compliqué. On parle pas à proprement de parler de sexualité, mais on commence déjà à poser des petites billes sur, en fait, pour toucher quelqu'un, pour échanger physiquement avec quelqu'un, je dois lui demander son consentement et cette personne doit me donner un consentement explicite. Donc, plus on met des petites billes comme ça dans le parcours d'un enfant, plus quand il arrive à l'adolescence, je pense qu'il est ou elle est armée, en fait, pour vivre ce qu'elle a à vivre ou ce qu'il a à vivre. Pousse, pousse, pousse, pousse. Est-ce que tu peux me dessiner une vulve? Bien sûr. En érection ou pas? Pousse, pousse. Alors je pense que clairement, on est à la ramasse, les adultes, sur ce qu'on imagine de ce que les ados vivent, de ce que les ados savent. Mais par contre, ils savent des choses qui sont loin d'être digérées, qui sont loin d'être claires. Et comme ils ont imbibé énormément d'infos, il y en a des fausses aussi là-dedans. Mais c'est sûr que on est bien gentils, hein, mais ils en savent quand même vachement plus que ce qu'on croit, parce que ça nous arrange, en fait. C'est vachement plus confortable de se dire on va attendre qu'ils aient 16-17 parce qu'ils vont s'y intéresser, que dalle. Ça fait déjà bien longtemps qu'ils sont sur le sujet, qu'ils s'y intéressent. Ils ont emmagasiné plein d'infos. D'où l'importance qu'on en ait conscience et qu'on soit en capacité de les accompagner plus tôt, quoi. Et moi, je crois quand même que une des choses qu'ils ne savent pas, ou en tout cas que ces groupes n'ont pas semblé savoir d'office, c'est l'importance de se protéger. Et je ne parle pas seulement là de préservatif ou de contraception, je parle de se protéger soi, émotionnellement et physiquement, de ce qui peut arriver quand on entre dans un rapport amoureux ou sexuel avec une autre personne. Et ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que ce qu'ils nous ont montré là, c'est qu'ils avaient des attentes et des questions techniques, donc parfois des informations très techniques, mais que parfois, en termes émotionnels, en fait, ils s'étaient pas du tout posé la question. Et là, pour le coup, je trouvais que l'information n'était pas présente ou très, très, très diffuse. Question pour savoir si vous avez donné raison aux statistiques ou pas. À quel âge vous avez vu votre première image pornographique pour la première fois? Je voudrais savoir si vous allez donner raison ou pas aux études. Image pornographique. Un pop-up ou une vidéo ou une photo. Donc une image pas forcément cherchée d'ailleurs, donc qui serait apparue comme ça pour la première fois. Personnellement, je dirais 9-10 ans dans ces coins-là. Mais à partir du moment où on va sur Internet, en fait. Je dirais 9-10 ans aussi par les images pop-up, tout simplement. Moi, je pense que j'avais juste quelques années plus, j'étais entre 10 et 12, parce que j'avais l'autorisation parentale qui m'a un peu protégée. Donc voilà. Moi, ça devait être peut-être 7-8 ans. Et du coup, les statistiques. La moyenne française, mais à laquelle personne ne croit, ce serait 13. Mais en réalité, voilà. Je vous remercie de rire, parce qu'effectivement, j'y crois pas trop non plus. 13 ans, c'est beaucoup trop vieux pour une moyenne. Ce serait même avant 13 ans, mais. Vraiment, 13 ans grand maximum, à moins d'être coupé de tout. Mais c'est obligé. 13 ans, je pense que tout le monde a vu ça, malheureusement. D'où l'intérêt de l'autorisation parentale. Mais aussi, je pense qu'on est beaucoup... la première fois qu'on l'a vu volontairement, c'était en groupe. Mais je pense que c'était aussi pour se sentir peut-être moins honteux d'aller voir des choses comme ça. Du coup, on camouflait un peu derrière. « Oh, c'est drôle, venez, on va regarder un truc comme ça. » Vers période du collège, et qu'on vous découvrait entre copains, allez viens, on va faire ça, on va bien rigoler. Au final, on veut juste faire comme les autres. Aussi la découverte de la sexualité aussi ouais. Parce que c'est même si c'est aussi un moyen de savoir si physiquement on est attiré par tel ou tel genre, et voilà, donc c'est surtout à ce moment-là aussi, je pense, pour certaines personnes. Un truc tout bête, mais vous avez conscience qu'en théorie, c'est interdit, en fait. Vous en avez, la première fois que vous en regardez volontairement, vous avez conscience que vous faites un truc interdit, ou bon, c'est tellement banal, finalement, que vous n'avez pas spécialement non plus l'impression de franchir une limite. Mais le problème aussi, c'est que c'est interdit, mais c'est extrêmement accessible. Donc, c'est devenu un peu banal d'y accéder. Donc je pense que, c'est accessible, donc voilà. Allez, dites-moi, c'est quoi une première fois réussie? Moi, je pense que c'est une première fois où on a pris du plaisir. Pris du plaisir. Et où on ne s'est pas forcé. Ouais, quand les deux, après, ils sont contents, quoi. Quand les deux sont contents. Le moment est agréable. Partie de plaisir. Partage. Allez-y, dites-moi les mots importants. Si le dé a envie. Les deux ont envie, tout à fait. Souvenir. Consentement. Au final, les deux sont contents et puis ils se souviennent de cet acte. Bon souvenir, on peut dire ouais. Bon souvenir. Plus de gêne. Est-ce que vous avez réussi à tout noter? Je crois qu'il m'en manque un. Oui, le bon souvenir. Bon souvenir, c'était hyper important. Le luxe suprême, c'est quand même de pouvoir disposer non pas de trois quarts d'heure d'intervention, comme c'est souvent le cas, hein, parce que c'est inclus dans un programme qui est déjà très très chargé, mais plutôt pouvoir proposer une journée entière comme ça, ce qui est vraiment extra. Marie-Noëlle Chaban, sexologue pour le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et pouvoir se dire, bon voilà, là, parce que sur une journée, on voit aussi le temps que les élèves puissent se sentir en confiance, qu'ils puissent se nouer des liens, qu'ils puissent se sentir à l'aise. Ça, ça prend du temps. Et nous, on arrive, enfin souvent, bah, c'est parfois au max 2 heures, mais c'est pas plus. Et ça, c'est vraiment, le facteur temps, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Est-ce que vous avez la sensation, l'une comme l'autre, que ça arrive de plus en plus jeune ? Que ça concerne de plus en plus les 6e, les CM2. Je suis très embêtée, moi, avec... et c'est de plus en plus fréquent, les mineurs, donc de moins de 15 ans, qui ont des relations Caroline sexuelles. Caroline Vézinier, infirmière parfois scolaire. Parfois consentie, mais on ne sait pas. Et en fait, des jeunes qui viennent me voir en disant, bah ouais, je l'ai fait, mais finalement, quand je l'ai fait, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Enfin, toujours cette histoire de consentement. Et c'est délicat. C'est vraiment délicat parce que, en plus, parfois, ils se sont pas bien protégés, donc ils viennent aussi me demander la pilule du lendemain. Ils me confient plein de choses et à un moment, je me dis, ah non, mais là, c'est plus possible, quoi. Enfin, mais bon, secret partagé, c'est toujours pareil. Je peux pas tout confier à l'équipe pédagogique aussi. Donc j'essaie d'en parler à mes collègues assistantes sociales pour être épaulée, parce que j'avoue, parfois sur des situations, bah, Marie-Noël, j'ai fait appel à toi aussi hein, pour une situation, pour pouvoir avoir un échange avec un jeune. Hein. Un jeune de 15 ans et demi, qui en fait a eu une relation sexuelle avec une jeune de 12 ans, et qui disait, bah, de par ses formes, son apparence physique... Il y a comme une séduction. Déjà, pour lui, ça veut dire qu'elle est d'accord, quoi. Et la jeune, un peu impressionnée par le décalage, qui n'est que de 4 ans, mais à cette période de vie, c'est hyper important. Voilà, qui peut-être par faiblesse suit ce jeune et qui se retrouve dans un appartement un mercredi après-midi. Voilà, qui en fait un appart dont plusieurs jeunes ont la clé. Et en fait, c'est la jeune qui a suivi, qui obéit en fait à la demande du garçon, qui se déshabille, qui a une relation et qui comprend pas, qui est venu me voir après en pleurs. Moi, c'était pas avant 18 ans, c'était pas avant le mariage et j'ai honte, qu'est-ce que j'ai fait? Ne dites rien. Ah ben non, vous n'allez pas le dire à mon père. Mon père, il va me tuer, c'est tellement compliqué. Et puis, bien souvent, c'est des situations familiales. Ouais, il y a vraiment des cas complexes. À vous le public, 3, 2, 1, on vote. Quoi, ok, super, vous pouvez baisser les petits cartons. Alors c'est pas vrai, parce qu'en fait, bah, comme tout à l'heure, quand on a parlé que... on va pas dire la femme est soumise, mais en fait, elle fait que... Simuler bah, non, elle simule pas. On va dire... Voilà, c'est ça, elle prend pas du plaisir, c'est plus l'homme qui prend du plaisir. Mm-hmm. Alors que dans la vraie vie, c'est les deux qui doivent prendre du plaisir. C'est les deux qui doivent prendre du plaisir. En fait, elle est là pas parce qu'elle prend du plaisir, c'est pas pour ça qu'elle est là. Elle est là pourquoi, vous pensez? Bah, pour ses sous. Mais le comédien, l'acteur aussi alors? Mais là, on parle de la représentation. Mais l'acteur, il est gagnant. Elle est là juste pour donner. Il est gagnant, pourquoi l'acteur? Mais il prend du plaisir et il a des sous. Vous êtes sûr qu'il prend du plaisir? Pardon, je vous invite juste à baisser les bras 2 secondes parce que je vais parler pour pas que vous ayez trop de... vous savez, dans un film standard, quand quelqu'un pleure, vous pensez qu'il est malheureux? Non. Alors pourquoi est-ce que vous pensez que dans le film pornographique, il a forcément du plaisir? Ceux qu'on dit qu'il avait du plaisir. Il joue. Il joue? C'est du cinéma en fait. Il paraît, Caroline, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais une scène de 5 minutes, ça peut prendre 5 heures de tournage. 5 heures, dites donc. Moi, je dis souvent, c'est des films qui sont faits par les adultes et pour les adultes. Est-ce que quand on est jeune et qu'on n'a encore jamais fait l'amour, vraiment, on... Effectivement, je trouve que quand on n'a même pas fait sa première fois et tout... De se dire que l'exemple qu'on peut prendre, c'est dans ces films-là, effectivement, de gens qui sont en train de jouer un scénario, qui en plus ont été vraiment habitués à faire ça, se sont entraînés. Enfin, c'est des performances, en fait. Prendre exemple là-dessus, nous, non seulement je pense que ça peut vraiment mettre la pression, mais c'est pas forcément réaliste par rapport à ce qui va se passer en vrai, quoi. Vous, qui avez un petit peu regardé des films, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et qui avez déjà voilà, plusieurs fois fait... Voilà. L'amour. Oui, voilà. Est-ce que vous avez fait les mêmes choses? Attendez, Hélène, juste, vous avez jamais vu de film pornographique, vous? Top, maintenant plus la peine de se fatiguer avec des scénarios. C'est canapé noir sur fond blanc et bim, on met tout dedans. Rendons-nous à l'évidence. Un mec n'ayant jamais vu de film porno aujourd'hui dans le monde occidental, c'est suspect. Même si le bureau de pédagogie sexuelle de Zurich évalue à 10% le nombre de mythos qui n'en auraient jamais vu. Le problème avec le porno, c'est pas de le regarder, c'est de le prendre comme contenu éducatif. Croire que ça ressemble à la vraie vie et oublier que comme Star Wars, eh bien c'est du cinéma avec des acteurs qui sont payés pour faire ce qu'ils font. Ça va pas t'aider à être en meilleur coup. Après, comme toute bonne chose, apprendre avec modération, parce que sinon t'auras de plus en plus de peine à être excité dans la vie réelle qui ne ressemble pas à ça. Malheureusement. Tu es beau, t'es belle, on baise? Oui. Oh. Non mais sérieux les gars, vous avez déjà vécu une situation pareille? Y'a que dans les rêves c'est comme ça, faut y aller pour pécho. Le désir c'est pas toujours synchro, une femme n'a pas toujours envie de faire l'amour quand quelqu'un la désire. Et puis, ça se fait pas n'importe où, voyons. En novembre 2017, il y a eu la présentation du plan quinquennal sur les violences sexistes et sexuelles par le président Macron. À la rentrée de septembre 2018, il y a eu également des annonces qui ont été faites dans le sens d'un développement des interventions scolaires, d'une meilleure mise en place des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, et tout ce qui est prévention justement du sexisme, des cyberviolences. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans ce sens-là pour les associations qui concrètement sont sur le terrain et qui interviennent ? En fait, ce que moi j'observe là actuellement dans la manière dont on intervient et comment on s'organise, on n'est pas nombreuses à travailler directement avec les jeunes dans les collèges, les lycées. Il y a énormément de travail à faire sur ces questions-là. Marie Font, directrice du Centre d'information des droits des femmes et des familles de la Charente. Là, on est vraiment dans ce que nous on appelle et qu'on regrette un peu, mais du saupoudrage, c'est-à-dire qu'on intervient à la demande, tant qu'on a un peu d'argent, mais souvent on dépasse. On intervient donc à la demande, et souvent, des fois, ça va répondre à un incident. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans un collège, dans un lycée, donc vite, on intervient. Mais c'est pas des conditions d'intervention idéales, en fait. Alors, parfois, il y a des enseignants qui sont super allumés, super investis par la problématique. Et là, on peut mettre des choses en place super intéressantes, donc on pourra en discuter. Mais c'est vrai que souvent, quand ça arrive comme ça, bah, le corps enseignant est pas spécialement super sensibilisé et impliqué dans la démarche. Mais on sent pas que ça, concrètement, fondamentalement, ça modifie quelque chose. C'est pas suffisant. Il faut que ça s'incarne au quotidien dans le rapport à l'enseignant. Que l'enseignant, il ait complètement intégré tout ça. Qu'il soit complètement à l'aise. Pour pouvoir vraiment, débusquer ces stéréotypes dans la vie quotidienne de la classe et puis être en mesure de les interroger et de les déconstruire. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec le personnel, enfin même de la petite enfance, parce que dès la crèche, les petits garçons ou les petites filles, c'est pas la même réalité, mais on l'a tellement intégré, mais nous aussi, hein, enfin, c'est des trucs qu'il faut interroger continuellement. Et c'est pareil, enfin, donc j'en rajoute aussi, mais on a eu un peu une séance de frayeur il y a 2 semaines, puisqu'on a rencontré le ministre de l'Intérieur sur la question aussi des violences faites aux femmes. On a déjeuné avec lui, et c'est vrai que donc c'était avec des collègues du collectif 8 mars, et que quand on a vu tout le monde débarquer, c'était que des mecs en costard-cravate, enfin, on était dans un autre monde. C'est flagrant, quoi, tu vas manger avec le ministre pour parler de la question des violences, et où ces violences prennent racine. C'est dans une société patriarcale, c'est pas un gros mot. Qu'est-ce qu'une société patriarcale? Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le déconstruise, ça veut pas dire qu'on met tout le monde dans le même panier, mais qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'on vit dans une société qui a été faite par des hommes blancs, pour des hommes blancs. Et même s'il y a une bonne volonté derrière de faire des choses autrement, mais ça n'empêche que c'est quand même le système qu'on récupère. Et enfin, il faut juste en prendre conscience pour essayer de le déconstruire. Et là, c'était juste, l'image était tellement flagrante, parce qu'on était là en face de juste... Alors, il y avait la préfète, mais sinon, c'était que des gars en costard, quoi. Enfin... Mojito, quoi? Quoi? Mojito? Mojito, quoi? Quoi? Un jour, on m'a dit, tonton Mori, plus tard, sera très, très, très intelligent. Et j'ai jamais cru. Mais quand là, je vois que j'arrive à Matrix, c'est 500 000 personnes, je serai intelligent! Regarde, tellement je suis intelligent, il y a la sueur de mon intelligence qui sort de mon front. C'est quoi le délire? Est-ce que tu abordes, toi, en milieu scolaire, la question des habitudes numériques, d'une façon générale? La plupart du temps, je commençais mes animations avec un brainstorming autour du thème soit je mettais vie affective et sexuelle, soit je mettais sexualité. Et en fait, les outils du numérique, ils apparaissaient tout seuls. Parce qu'ils se respectent, on a tous des darons, des sœurs, des nanas. D'accord, toutes les meufs se respectent. Ça veut dire que vous, vous faites les putes dehors, vous vous mettez en string, vous frottez en boîte, vous faites les grosses folles, et après c'est notre faute. Moi j'ai une question là, tout mon snap. Comment vous voulez respecter une meuf qui sort... Attendez, voilà, parce que là c'est trop pour moi. Là. En fait, assez rapidement, dans les associations d'idées que pouvaient avoir les jeunes, très rapidement, il pouvait y avoir des noms de réseaux sociaux qui étaient cités, ou alors des noms de comptes, de certains comptes sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, c'est un peu désuet, mais à l'époque, un qui sortait énormément, c'était un mec qui était sur Snapchat et qui s'appelait Morito. Diane Saint-Réquier, intervenante en santé sexuelle et fondatrice de la plateforme Sexy Souci. Il faisait des vidéos, il mettait des fessées à des nanas. Tout le monde le connaissait, quoi. Ça sortait quasiment sur toutes les animations. J'imagine que vu que ça date d'il y a 3-4 ans... sur les personnes de 15 ans, aujourd'hui, ça doit être d'autres comptes ou des choses similaires. Je trouve ce sujet, il est sensible parce qu'on n'est pas tous d'accord. Par exemple, moi, j'arrive pas à respecter une meuf qui se frampoute en boîte, qui fait la pute, tout ça, j'arrive moi, pas. Bon, voilà Snapchat. J'ai fait le petit sujet du jour, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Maintenant, décrypter comme vous pouvez le faire. Mais même au niveau, par exemple, des trucs qui pouvaient sortir, ça pouvait être Kim Kardashian. Parce qu'elle était sexualisée et qu'elle était présente sur les réseaux sociaux, mais du coup, le lien, il pouvait se faire comme ça. Je leur disais, ah bah, pourquoi vous citez Kim Kardashian? Ah bah, parce que Kim, elle se montre sur les réseaux sociaux, on voit ses seins, on voit ses fesses. Donne un petit peu des conseils à tout le monde. Des trucs comme ça, quoi. Reality show does not last. The fame does not last. So, it's not really about that. It's about what do you love to do and figure out a way to make money off of what you really love to do. Be smart about it. And it's fun to expose yourself and be really open, but have limits. Thank you for having me. It was so nice to meet you all. Good luck with everything you do. Never give up. You guys will be amazing. Just have fun here in Miami. Thank you. Thank you. Je m'en remets toujours pas, quoi. C'était vraiment une journée de rêve. C'était juste incroyable. C'était... J'ai pas de mots. Alors, je prétends pas savoir ce qu'il faut faire. Je sais ce que moi, je faisais et qui est d'aller détricoter ce qui se passe dans le porno, mais ce qui se passe aussi ailleurs, en fait. Ce qu'on reproche au porno, très souvent, c'est, des représentations stéréotypées des corps. Des corps minces, blancs, voire chirurgiquement modifiés pour se conformer voilà, à un certain standard, des sexes épilés pour madame, énormes pour monsieur, et puis des rapports hommes-femmes dans le porno hétéro mainstream qui sont avec une très grande rigidité des rôles de genre. Monsieur pénètre madame, qui jouit ou pas, mais finalement on s'en fout un peu. Hein. L'important c'est d'avoir le money shot à la fin, monsieur éjacule, donc voilà, tout est bien qui finit bien. Ce qu'on reproche au porno, parce qu'il le donne à voir aussi de manière peut-être plus crue ou plus immédiate, c'est les mêmes enjeux qu'on va avoir dans la plupart des productions culturelles, parce que le porno, il n'existe pas dans une bulle hors du temps et hors de la société et hors sol. Le porno, je pense qu'il est représentatif de l'époque, de l'endroit et des personnes qui le font. Et de la société dans laquelle il est fait. Et donc, si le porno mainstream est sexiste la plupart du temps, ben, c'est aussi parce qu'on vit dans une société qui est sexiste et que finalement, ces stéréotypes sur la sexualité, on les retrouve aussi dans des films mainstream qui n'ont rien de pornographique. On peut voir, par exemple, que dans des films grand public ou des films d'action ou des trucs comme ça, des scènes de fellation, fût-elles suggérées et non directement montrées, sont bien plus fréquentes que des scènes de cunnilingus, même que dans les séries, etc. C'est pas pareil en fait, même au niveau du sexe qui est représenté, pareil encore dans toutes les productions culturelles, c'est majoritairement du sexe hétérosexuel, position monsieur dans madame et puis that's it en fait. Donc moi ce que je trouve intéressant c'est de venir interroger ces représentations mais aussi de décentrer du seul porno parce que je pense que c'est intéressant de les voir au sens plus large. Pareil sur les normes, sur les corps très normés et sur les normes de genre dans le corps, etc. On voit les mêmes dans les publicités, on voit les mêmes qui sont les stars de cinéma, etc. Comment elles sont foutues, à quoi elles ressemblent, qui sont les influenceuses sur Instagram. Tous ces trucs-là, on peut les interroger parce qu'en fait, c'est les mêmes. Je veux dire, les normes en vigueur dans le porno mainstream, c'est les mêmes que dans les autres productions culturelles. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était d'aller les interroger, certes, dans le porno, pourquoi pas, mais d'élargir aussi le sujet. Et du coup, ça décrispe un peu parce qu'ils sentent bien qu'on n'est pas sûr, genre, le porno, c'est pas bien. On est sûr, OK, qu'est-ce qui se joue dans le porno? Et à votre avis, pourquoi, comment, etc. Ah oui, la probabilité de pécho quand t'as une grosse culotte et des poils est toujours plus élevée que quand t'es épilé en string, c'est sûr. C'est vrai, c'est statistique. En primaire, déjà, mon surnom, c'était Gorille Mammouth. Oh là, chaud. Oui, d'accord. Parce que, du coup, je suis hyper poilue et donc je volais le rasoir de mon père et je me faisais la moustache avec ça. Oh. Parce que mes parents voulaient pas, ils entendaient pas, en tout cas, ma souffrance liée au poil. C'est mon père qui m'a foutu la pression pour que je m'épile les jambes, quoi. Ah, tu ouais, vois, genre, chelou, quoi. En mode, genre, mais bon, il est temps de le faire et tout. Genre, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, t'es. Moi, c'est des essentiels, ils m'ont foutu des complexes, hein. Bah oui, parce que c'est genre, le poil il est dru. C'est ça. Ah, vous avez une triple pouce, machin, vous avez fait, vous rasez, vous faites ça, machin. Et t'es là, mais je fais ce que je veux, donc laisse-moi tranquille. Et elle me disait toujours, mais vous pensez pas vous épiler les sourcils? Et moi, je trouvais mes sourcils très bien. J'étais étudiante, j'avais pas de sous, donc du coup, je faisais des trucs où genre, c'était des esthéticiennes qui s'entraînaient. Avec trois meufs, sérieusement, qui sont en formation pour t'épiler la chatte, tu sais, donc t'en as une de chaque côté. Tournez-vous, je vous fais l'interfacier. Elle lui a dit non, et l'esthéticienne lui a dit, bah, c'est un peu bizarre si vous le faites pas. Bon, elle a pas voulu le faire, et voilà. En fait, tu dois mettre tes mains sur tes fesses et les carrer. C'est dans ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi je me suis pas révoltée, quoi. On fait reposer énormément de choses sur ces jeunes. Marie Font. Mais on continue de les baigner dans cette société-là. Ils sortent du collège, ils sortent du lycée, c'est ça. Ils regardent la télé, c'est ça. Ils prennent l'autobus sur l'arrêt d'autobus, c'est ça. Elles marchent dans la rue, les filles, c'est ça. Et c'est ça que je trouve un peu hypocrite dans... On veut sensibiliser les autres. L'éducation, c'est fondamental. Mais à un moment donné, il faut que ça s'inscrive aussi dans toutes les sphères de la société à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau de la publicité, au niveau de la télévision, au niveau de toutes les séries, toutes les choses qui sont voilà, ce qui constitue la culture en fait, enfin la culture au sens, enfin les imaginaires collectifs en fait, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler et voilà, et c'est pour ça qu'on intervient aussi sur la question des de plus en plus les contes aussi qui sont lus aux petits garçons, aux petites filles. Enfin, dans le monde du travail, ça, ces violences, elles sont présentes. Elles sont présentes partout. Donc du coup, oui, effectivement. Y aller que sur la pornographie, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait, clairement. Parce que oui, c'est important, clairement. Mais ça suffit pas, quoi. À un moment donné, moi, je dis toujours, il faut incarner les valeurs qu'on prétend promouvoir. Et en tant que société, c'est valable aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, incarnons ça. Enfin, et donc du coup, effectivement, quand t'es dans une culture hyper patriarcale, ben, même si tu le veux pas, tu véhicules ces stéréotypes et tu véhicules ce rapport-là aux femmes et ce rapport-là des femmes avec les hommes. Et donc du coup, au final, tu les embrouilles, quoi, parce que d'un côté, on leur dit faut pas, mais de l'autre, en fait, ils vivent dans une société qui respire ça. Wendy Delorme. Festival Sortir de l'hétérosexualité, Paris. Moi, je suis venue vous parler de mes fantasmes. Donc, je vais vous parler de quelque chose de très subjectif. On sait quels fantasmes on a. Parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors, on se dit, c'est la culture patriarcale dans laquelle j'ai grandi, etc. Moi, il m'est arrivé quelque chose de spécial, c'est que je me suis rendu compte très précisément de là où ça venait. Et ça m'a fait un choc. Donc, déjà, je vais vous parler de mes fantasmes. Alors, le tout premier fantasme dont je me rappelle, je vais mettre debout, j'aime bien lire debout. Le tout premier fantasme dont je me rappelle, j'avais pas encore de sexualité. Déjà, j'ai eu une sexualité assez tardive, et puis la première fois que je me suis masturbée, j'avais 22 ans. Donc, je vous parle de fantasme à une époque où j'avais pas du tout de sexualité, même avec moi-même. Donc, j'ai peut-être 12 ans. Je suis dans ma chambre sur mon lit d'enfant, et je me tiens allongée, le plus immobile possible. Des images et des sensations défilent derrière mes yeux, fermés et sous ma peau. Ça s'appelle fantasmer. Mais je ne le sais pas encore. Je ne sais pas non plus à ce moment-là en quoi peut consister exactement un rapport sexuel. Je ne suis pas une fille particulièrement précoce. Je ne pratique même pas la masturbation. Mais les images qui défilent derrière mes yeux fermés lorsque j'ai 12 ans, nue sous le drap, dans mon lit, ont une forte charge érotique. J'imagine un maître. Un être masculin à l'identité indéterminée. Je ne vois jamais son visage. debout dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Je me visualise attachée sur mon lit, couverte d'un fin tissu qu'il enlèvera doucement en le faisant glisser sur mon corps. Je frissonne et me trouve incapable d'imaginer plus loin, parce qu'à cet âge-là, je ne sais pas comment ça se passe concrètement la suite. Et puis, la semaine dernière, à l'heure du dîner, j'allume la télévision. Apparaît alors à l'écran le visage d'Angélique, marquise des Anges. Donc Angélique, jouée par Michel Mercier, est une jeune femme blonde, blanche, mince et jolie selon les critères contemporains. Elle ressemble un peu à Brigitte Bardot. Angélique est emblématique de mon enfance parce que gamine, j'y suivis avec passion les épisodes de ses aventures au gré des 5 téléfilms qui les mettaient en scène. Indomptable Angélique, merveilleuse Angélique, cette jeune marquise ravissante qui vivait en France à l'époque de Louis XIV voit sa vie basculer lorsque le roi, en personne, visite la propriété où elle habite, avec son époux le marquis, Geoffroy. Le roi s'éprend de la beauté d'Angélique et décide de la ravir par tous les moyens. Il emprisonne Geoffroy. Angélique s'enfuira, vivra d'abord cachée à la cour des miracles parmi les gitans, puis embarquera sur un bateau vers de lointains rivages, sera kidnappée par des pirates après un naufrage, survivra à des mésaventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres, mais finira par retrouver son bien-aimé mari Geoffroy. Alors d'abord, j'étais ravie de cette occasion de revoir un épisode de ce téléfilm que j'ai passionnément suivi dans mon enfance. Et puis après, je me sens un peu déstabilisée et perplexe. Je remarque quelque chose qui m'avait peu frappée lorsque j'avais 12 ans et dont je ne me souvenais pas. La mémoire n'est pas fidèle. Angélique, mon héroïne, est violentée, violée, régulièrement, à peu près toutes les 20 minutes du téléfilm, par divers agresseurs. Dans les couloirs du château de Versailles par un sbire du roi, dans un taudis de Paris par un agent de la police, dans la cale du bateau par le commandant du navire qui la jettera ensuite en pâture aux galériens, avant d'être vendue sur un marché aux esclaves par des pirates. Lorsqu'elle est délivrée par son bien-aimé Geoffroy, celui-ci, après la joie des retrouvailles, prend ombrage du fait qu'elle lui aurait été infidèle en ayant des rapports avec d'autres hommes, alors qu'elle a en réalité été violée, abusée de toutes les manières possibles et imaginables. Donc il faut préciser que l'époux jaloux des infidélités de sa femme avait lui-même à son service pendant les années où il a sillonné les mers à la recherche d'Angélique une esclave sexuelle à sa disposition qui était amoureuse de lui et jalouse du fait qu'il cherchait sa femme partout. Donc cette passionnariat libre, aventureuse, combative et indocile se voit régulièrement rappelée à son statut de femme, fragile, délicate, incapable de se défendre contre la prédation sexuelle masculine. Angélique aujourd'hui crée en moi un malaise profond. Angélique est restée collée à une paroi de mon cerveau, et c'est d'elle que viennent mes fantasmes de gangbang, les galériens dans la cave du bateau. Le maître sombre dans l'embrasure de la porte de ma chambre, c'est la scène où son mari en fait arrive pour la nuit de noces. C'est un mari qu'elle n'a pas voulu, pas désiré, qui est beaucoup plus vieux qu'elle, et qui est balafré au visage que son père lui impose, mais elle en tombe passionnément amoureuse lorsque sous ses yeux, il va tuer un rival. Et si je n'arrivais pas bien à imaginer la suite de mon premier fantasme lorsque j'avais 12 ans, c'est que dans Angélique, rien n'est réellement montré dès l'instant qu'elle succombe. Mais il est suggéré qu'il est délicieux pour une femme de se laisser aller à plus fort que soi, de s'abandonner, de se laisser réduire, dépossédée et faible, à un état d'objet. C'est qu'on n'a pas le choix ou qu'au fond, on aime ça. Je suis ici sur le désir du roi. Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens ta sème, j'ai la boca. Entre nous et un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. Ludivine Demolle, doctorante en genre et sexualité. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô. Million de dollars, bébé, tu veux ça. J'aime bien prendre l'exemple des contes de fées. Les contes de fées, si on les caricature un peu, surtout de princesses, hein, je parle, c'est la princesse offre son cœur et sa sexualité en échange de la force et du courage du chevalier. Cette histoire-là, très basique, on la retrouve dans la pornographie, mais avec une forme génitale, enfin avec une représentation génitale. On la retrouve dans les comédies romantiques, on les retrouve dans les chansons, on les retrouve un peu partout. Enfin, cette espèce de schéma qu'on considère comme sexiste et violent, avec une domination de l'homme sur la femme, je l'entends, hein, je suis d'accord, il faut lutter contre ça, mais il y a aussi d'autres choses à faire, d'autres patterns qui pour moi sont un peu plus profonds, entre guillemets, dans la société et qui se apparaissent dans la pornographie, mais pas que. Donc, protéger du porn, je suis pas sûre que ce soit peut-être le premier truc à faire. Peut-être qu'il faudrait protéger de cet ensemble de cultures. Donc, on peut parler de culture du viol, de culture de harcèlement, de sexisme et tout ce qui va découler, toutes ces différentes oppressions. Il faut, enfin, pour moi, il faut prendre le problème à sa racine, entre guillemets. Si ce qui fait peur dans le porno, c'est la violence, la dégradation de la relation à l'autre, une sexualité sans affect, bah, il faut peut-être essayer de retravailler sur ces trucs-là, sur le travail de la relation à l'autre et sur le travail de où est-ce que se situe la domination et la violence. Je crois que c'est leur ding-dong, je suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang, je suis gang, hors game, boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla, bla, bla, bla. On a tendance à considérer que la pornographie serait décorrélée du système dans lequel elle est produite, comme si elle était hermétique, mais par contre qu'elle laisserait fuiter ses effets néfastes, alors qu'on ne pense aucune autre production culturelle de la sorte. Hein. S'il y a quelqu'un, un serial killer fan d'opéra grec et de drame grec, on ne dira pas que s'il a tué sa mère, c'est parce qu'il a vu trop Oedipe. Enfin, ça paraît complètement idiot. Le rap, les jeux vidéo, le porn, ce seraient des productions culturelles qui auraient des effets néfastes, alors que l'opéra, la musique classique, le film d'auteur, ça n'aurait pas d'impact, ça n'aurait pas d'effets néfastes. Et on voit bien que la seule différence qui sépare ces deux catégories de productions culturelles, c'est la classe sociale, en fait. Les jeux vidéo, le porn, le rap, c'est consommé surtout par des classes populaires, alors que l'opéra, la musique classique, ça va être des classes sociales plus élevées et qui ont une consommation culturelle jugée beaucoup plus légitime. C'est à peu près la seule différence. Mais voilà, il y a une espèce d'idée que l'impact ne découlerait que des productions culturelles plutôt populaires, alors que c'est pas une idée qu'on retrouve dans l'opéra ou dans la musique classique ou le cinéma d'auteur, quoi. Il y a vraiment une deux poids, deux mesures. Beaucoup, malheureusement, m'expliquent qu'elles jouissent très peu avec leurs partenaires. Les femmes m'écrivent sur Instagram, vraiment, en message privé. Les femmes ont tendance à simuler, malheureusement, pour flatter l'ego des hommes. Donc, en fait, on se tire déjà une balle dans le pied à peu près toute seule. Et la femme qui, elle, va enfin être dans le vrai, dans la vérité, va malheureusement, parce que c'est un cercle vicieux, se prendre des commentaires désagréables du genre « mais t'es frigide » ou « bah disons que t'aimes pas le sexe ». Il y a même beaucoup de témoignages de filles qui se disent extrêmement frustrées, certaines qui vont même se masturber discrètement dans les toilettes pour terminer. C'est extrêmement frustrant quand tu as un homme à côté de toi qui se met à ronfler lorsque toi t'es encore en fait excité. Pour moi, un rapport réussi, c'est pas forcément un rapport où les deux partenaires ont joui, c'est un rapport tout simplement où il y a eu une communication, où on n'est plus dans le tabou, ou enfin, jouir, c'est pas un but en soi. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est le voyage à deux. On peut s'arrêter au milieu, mais disons que c'est pas normal qu'il y en ait un qui termine toujours et l'autre qui reste sur le côté de la route. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de produire du contenu, permettent de donner son propre avis. Là, on est sur un mode un peu moins vertical, un peu plus horizontal, où moi-même, qui habite au coin de la rue, je suis personne et je peux mettre un tweet et produire et dire ce que je pense, faire une photo de moi si j'ai envie. Les réseaux sociaux permettent d'ouvrir une nouvelle porte, en fait, sur la production de discours et l'expression, et dire, ok, en fait, j'ai le droit publiquement de pas être d'accord avec le discours institutionnel, par exemple, et de donner mon avis là-dessus. Et je pense que c'est ça qui se passe, en fait, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont totalement conscients des paniques qui pèsent sur leurs épaules, ils sont conscients des discours que les institutions et les parents leur disent. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve souvent, hein, dès qu'on commence à leur parler porn, ils sont là, non, mais c'est bon, ça va, je sais, c'est pas du vrai sexe, c'est pas la réalité, c'est pas t'inquiète pas, j'en ai totalement conscience. Enfin voilà, il y a une espèce de vraiment, ils se défendent avant même qu'on pose la question, hein, comme quoi, je sais pas si ça a bien fonctionné, mais en tout cas, ils ont été réceptifs, on va dire, au discours de prévention. On va dire, tous ces facteurs mis ensemble font que ils ont la possibilité de s'exprimer, on les écoute, ou en tout cas leurs pères les écoutent, et ils ont le droit de remettre en cause les discours qu'auparavant n'avaient pas trop le droit de critiquer, et ils peuvent également accéder par eux-mêmes à un certain savoir et développer leur esprit critique. Enfin, pour moi, tout est réuni pour qu'ils puissent se réapproprier les outils eux-mêmes et en faire les utiliser à des vues d'améliorer le monde. Pardon, ça fait un peu trop hippie, mais dire ce qu'ils pensent, en fait, d'être citoyen. Voilà, juste d'être citoyen et citoyenne. Est-ce que tu veux me dessiner un sexe de femme ? Alors là, vu comment ? Mais c'est quoi ça ? Et un sexe de femme ? Ah, désolé, j'ai pas ça. Non, je connais pas. T'as trois trous, toi ? C'est deux ou trois ? Mais qu'est-ce que c'est ? Minto ? Un, les règles, un, où on fait l'enfant, et un, le pipi, hein. Tu sais pas du tout comment c'est fait ? C'est une cocotte, quoi. Attends, y a pas de clitoris ? Quoi ? Y a pas de clitoris. Merci, mamie. Et là, il y a le vagin. Parce qu'il faut pas tout confondre. Il y a un petit truc ici. Tu fais quoi, vous ? Et après, il y a ça. Ah, il a mis un clitoris. Ouais, tout ça, c'est l'origine du monde. Qu'est-ce que ce tableau ? En gros, un corps de femme ouvert. Une motte avec son con dessous, le rouge de sa fente sous le poil. Mais au-dessous encore, pris entre les deux départs de cuisses, les deux bourrelets dodus des fesses tassées, avec au centre le pli qui continue le con jusqu'au cul. C'est vrai que un des aspects merveilleux des outils du numérique, c'est que c'est Diane Saint-Réquier. Une plateforme d'expression. Je vais dire entre guillemets, quasi n'importe qui, voilà, peut créer un compte Instagram, un compte Twitter. Donc il y a une plateforme d'expression pour des personnes qui n'avaient pas voix au chapitre dans les gros médias traditionnels et qui, pour une partie, n'ont toujours pas voix au chapitre. On peut penser par exemple au mouvement Body Positive, qui à la base, a été fait pour donner à voir et donner de la valeur aux corps non normés, aux corps non blancs ou aux corps non valides ou aux corps non cisgenres ou aux corps non hétérosexuels ou à l'exposition de corps queer, de corps racisés et dans les influenceurs, influenceuses, que ce soit sur Instagram ou des youtubeurs, youtubeuses. Effectivement, on peut voir il y a de la diversité qui émerge en dehors des standards habituels et c'est hyper intéressant et hyper riche. C'est un endroit aussi merveilleux pour faire communauté. Se dire, ah bah, je suis pas tout seul ou toute seule dans ma situation. Enfin voilà, on peut pas ignorer ce phénomène-là. Il est incroyable que ce soit avec certains hashtags qui ont créé des. Qui finalement sont remontés jusque dans les médias, les vieux médias qui ont dit, oh, dis donc, et on dirait qu'il se passe quelque chose. Que ce soit sur le domaine de la santé sexuelle au sens strict, ou du bien-être, de l'image de soi, etc., et de l'identité. Internet, c'est un outil incroyable, en fait, vraiment. Dans la vraie vie, un sexe en érection mesure en moyenne entre 12 et 17 cm. Et pour l'éjaculation, c'est en moyenne 3 ml de sperme. Merci Virgile. Dans une scène sur internet, on peut voir Stella May s'enfoncer un god gros comme 3 concombres. Il faut savoir qu'elle en a eu pour 3 semaines de souffrance à s'entraîner et n'a touché que 1 000 $. Ah oui, une femme met en moyenne 12 minutes pour être excitée. C'est pas immédiat et seulement 30% des femmes ont un orgasme par pénétration. La culture du X a envahi les médias et c'est même devenu un peu hype. Du coup, l'offre, elle s'est vachement diversifiée. Maintenant, il y a des pornos intello, pornos féministes et il y a même du mormon porn. Le porno est partout ! Le porno est partout ! C'est fou, cette technologie, on a trop l'impression d'être dedans, mais... Ça me rend nostalgique de la branlette à l'imagination. Ce qui fonctionne pas de toute façon, c'est les injonctions. C'est les discours normatifs, c'est les « il faut », c'est les « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Fumais-tu ? Sortez couvert ? Tu t'es vu quand t'as bu un peu des trucs d'humiliation, comme ça, en fait, qui font naître des sentiments assez négatifs chez les personnes. Et donc, en fait, des études ont montré que appuyer sur ce levier-là, en fait, ça fonctionne pas très bien parce que ça fait sentir les personnes se sentent pas bien, en fait, et ont du mal à incorporer et adhérer au message. Et donc, on les fait réfléchir là-dessus. Comment on peut avoir une approche positive de la prévention? Comment on peut avoir une approche qui soit plus sur l'interrogation, qui soit plus de mettre aussi en avant des avantages plutôt que dire fumais-tu ? Ah bah tiens, tu sais que si tu fumes pas cette semaine, à la fin de la semaine, t'as de quoi t'acheter tel truc. Et au bout de 6 mois, tu peux t'acheter un smartphone. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais donc vraiment, plutôt être sur les leviers positifs. Et ça, le fait que cette parole-là, elle soit portée par des pairs, et que du coup, il n'y ait pas cette dissymétrie qu'il y a de toute façon. Parce qu'un adulte ou une adulte, même moi, avec mes meilleures intentions du monde et ma posture et blabla, je reste une adulte qui a, 20 ans de plus qu'eux, on va dire, à la louche. Donc, ils se rendent bien compte que même si je m'y connais un peu en réseaux sociaux et tout, que voilà, je suis pas la même génération, j'ai pas les mêmes codes, j'ai pas les mêmes pratiques qu'eux, et je suis pas au même moment de ma vie, en fait, aussi, tout simplement. Donc, du coup, les leviers, ils vont peut-être pas être les mêmes pour une personne adulte et pour une personne jeune. C'est eux les experts, en fait, de comment traiter ces sujets-là et surtout comment parler entre eux. Et il y a rien qui résonnera autant aux oreilles d'une personne jeune que le discours d'une autre personne jeune. Parce qu'ils en sont au même endroit dans leur vie, parce qu'ils supposent qu'ils ont à peu près les mêmes enjeux qui sont en train de se passer à ce moment-là dans leur vie, et qu'une personne qui a 20 ans de plus, elle ne pourra jamais être au même niveau et être aussi pertinente. Je sais qu'après cette vidéo, tu vas vouloir te mesurer la bite. Alors je te donne quelques conseils pour pouvoir officialiser ton score. Premièrement, bande. Deuxièmement, utilise un mètre ruban pour bien pouvoir calculer partout. Toutes les bites ne sont pas droites. Si à partir de là, ton pénis mesure moins de 7 cm, il sera qualifié de micro-pénis. Compense avec de l'imagination ou autre pouvoir magique. Et dans la série des malheurs de ta teub, les IST, mais ça on en reparlera. Il y a aussi les mycoses qui se manifestent à travers des rougeurs, des pustules ou des démangeaisons. Et si ton gland pèle, va pas croire qu'on va devoir te l'amputer. Ça soigne très facilement. Enfin, si t'as le moindre souci concernant ta teub, va voir un médecin, vénérologue ou urologue et tu pourras enfin lui dire... Coucou, tu veux voir ma bite ? Je pense pas du tout que ce soit une génération perdue. Je pense et je constate que ce soit de manière guidée dans le cadre de séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, où on peut voir qu'en fait il y a plein de choses super qui sont fabriquées par des jeunes pour des jeunes. Il y a plein d'initiatives en fait hyper intéressantes qui sont portées, encore une fois, par des jeunes, pour des jeunes qui s'adressent à leurs pairs et qui abordent plein de thématiques. Moi, j'ai pas l'impression que cette génération, elle est si perdue que ça. Je suis désolée, mais dans certaines classes, il y avait des personnes qui soulevaient des trucs hyper intéressants. Mais moi, quand j'avais 15 ans, ça existait même pas dans ma sphère de pensée. Ne serait-ce que le terme, enfin c'est peut-être bête, mais les termes de sexisme, de féminisme, le terme de personne trans, alors ça c'est pas toujours, des fois il y a des pas les bons mots et puis il y a des idées à retravailler, hein, bien sûr, mais en fait ça fait partie de leur environnement mental, ça fait partie des choses qui existent, sur lesquelles ils s'interrogent aussi parce que ça fait partie du paysage médiatique, tu vois, dans les séries, dans les films, etc. Donc il y a une diversification et du coup ça existe dans leur environnement, enfin. Je pense que vraiment la plus grosse erreur qu'on puisse faire dans ce domaine-là, c'est de prendre les jeunes pour plus bêtes qu'ils ne sont. Mais ils font déjà des trucs par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ça, c'est le premier biais, je pense, c'est la première erreur qu'on peut faire. Et la seconde, c'est d'être dans l'injonction, dans le « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Parce que ça, c'est un discours auquel les gens ils peuvent pas adhérer. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les jeunes et puis c'est vrai pour les moins jeunes. Laisse la lumière allumée et garde tes chaussettes. Je vais m'asseoir sur ton visage jusqu'à ce que tu vois des clochettes. J'adore les petits morveux avec des mini coucougnettes. T'es tellement accro, vas-y, je te prends comme une carpette. C'était Réinventer l'éducation sexuelle. On va dépuceler avec Capucine et Tatiana de la compagnie Asiadé, les élèves de 4e du collège Jules Michelet d'Angoulême, Marie-Noël Chaban, Caroline Vésigné, Marie Font, Diane Saint-Réquier, Ludivine Demol, Justin, Kevin, Léa, Emeric, Adèle, Lucie et Camille, et les étudiants en BTS du lycée de l'image et du son d'Angoulême. Prise de son studio, Claude Nior, mixage, Claire Levasseur, réalisation, Nathalie Battus, une série documentaire proposée par Ovidie. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je pêche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je pêche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. Appelle-moi maîtresse, madame la grande féministe. Je crache dans ta gorge ouverte, sois content que je te mette pas un film. Mets-toi sur Messenger, je t'envoie ma chatte en émoticône. J'aime ta beauté intérieure quand tu remues ta queue en forme de cône. J'aime mon chien, respecte enfin les meufs mortelles. Si je suis durement crédin, promis, je te file mon fun tel. Toujours du crédit pour aller baiser ton père. En matière d'abstinence, on sait que tu sais faire. J'aime Carice, car sa couleur fait ressortir le sperme. Cette gecko, parce qu'il fait trop bien ma vaisselle. J'aime Boba, quand il est baïonné. Mon préféré, c'est Val, ce mec est trop en chien. Voilà ce qu'on répond à votre liberté de création. Vous fait bouffer les égouts, comme ça on partage l'addition. Je suis romantique, suce mon clit pendant que je te ratatine. Et tape un rail de mouille avec ma cyprine. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je t'aige la veille et je te baisse le lendemain. Suce